C'est ton anniversaire, je sens chaud de la veine. Ce soir c'est toi la reine. C'est pas demain la veille qu'on brisera ces liens. J'ai lu dans tes yeux, ce sourire veut tout dire. Je n'en vais c'est parfois vicieuse. Et rappelle-toi de nos fous rires. Yeah, yeah, yeah. Bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves. Bien sûr c'est réel, ce soir c'est la fête. C'est ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Profite de ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Et rappelle-toi de nos fous rires, yeah.